23h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien en ce mois de novembre? Eh bien, j'espère que tout va très bien pour vous. Moi, je suis en pleine forme. Et ce soir, eh bien, comme toutes les émissions, nous aurons des nouveautés à vous proposer qui seront au nombre de 4. Ce soir, si tout va bien, nous aurons la chance normalement de faire plus ample connaissance avec le groupe The Toes. Ça, il faudra patienter à peu près vers 20h. Et surtout ce soir, eh bien, c'est important parce que c'est l'émission anniversaire. Et oui, ça fait exactement 17 ans, jour pour jour, qu'Electric Shock sévit sur les antennes. Et donc, voilà, comment ne pas avoir une pensée pour Fred, Metal Maniac, qui était mon prédécesseur et qui, lui, a tenu l'antenne pendant plus de 16 ans. Et c'est vrai que à chaque fois, bon, je pense vraiment à lui parce que, si vous vous souvenez, à chaque émission anniversaire, je l'invitais pour lui montrer que le navire était toujours à flot et qu'on continuait toujours à passer du métal. Donc ce soir, comme toujours, Fred, on pense à toi très fort. Je sais que où c'est que tu es, tu dois savoir que l'héritage continue. Donc ce soir, eh bien, qu'est-ce que j'aurais vous proposé comme toutes les années d'anniversaire? Eh bien, c'est moi qui vais vous faire des cadeaux. Enfin, si vous souhaitez faire des cadeaux à votre animateur préféré, vous gênez pas. J'accepte les voitures, les montres de luxe, voitures de sport, les vins fins, enfin tout ce genre de choses. Hein, s'il y a pas de problème, non, trêve de plaisanterie. Si vous appelez au 0238 43 48 00, pendant que vous avez 2 heures pour ça, eh bien, je serai ravi de vous faire un petit cadeau. Donc CD, t-shirt, voilà, et autres gadgets promotionnels au choix, ou tout simplement si vous avez envie de passer faire un petit coucou à votre animateur préféré, voilà. Comme à ce moment, là, vous entendez la sono, ça nous dit Heavy Birthday. Eh bien, foin de Heavy Birthday, n'empêche qu'on commence tout de suite avec le nouvel album de Alter Bridge, qui s'appelle donc Pawns and Kings, qui est donc sorti il y a très peu de temps, et pour Alter Bridge, qui sera en concert justement mercredi prochain au Dôme de Paris, c'est-à-dire l'ancien Palais des Sports, en compagnie de Hellstorm et de Mammoth WVH. Et ben, on va se faire donc le titre éponyme. Tear down the walls and show your courage as you heed the call, embarking on the journey yet to come. There is no time to waste, the wretched and the heartless. Take your future if you will, there will be. Stand up and hold your ground. Don't let your bastards grind you down. and Kings, extrait donc de l'album du même nom. Ça, c'est le dernier opus de Alter Bridge. Maintenant, allons faire un petit tour en Italie. Allons retrouver Evenflow avec leur nouvelle EP Mediterraneo. Et on va s'envoyer tout simplement, comme pour Alter Bridge jusqu'avant, le morceau éponyme qui donne son titre au EP. Et je vous rappelle donc qu'Electric Shock ce soir a 17 ans quand même. Donc j'espère que vous allez faire péter le standard. J'ai bien envie de vous offrir plein de cadeaux quand même. Donc vous avez pour ça encore, 1h50. En attendant, Evenflow. Just dream. ce petit voyage en Italie avec Evenflow, le morceau Mediterraneo, cet extrait donc du EP du même nom. On va juste avant et avant maintenant, qu'est-ce que je raconte? Continuons maintenant, on va revenir en France d'un côté de Lorraine où on va retrouver Dusk of Delusion. Dusk of Delusion, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a pu tailler le bout de gras avec eux, ils ont pu nous parler un petit peu de leur dernier album Corollarian Robotic System, album conceptuel nous racontant un monde dystopique où des robots prennent de plus en plus la place de l'être humain pour différentes tâches au départ plus ou moins pénibles et pour finalement plus ou moins se substituer à l'homme. Ça, si ça vous intéresse, je vous invite à vous souvenir de l'interview de la semaine dernière. On va se refaire un petit extrait de l'album Corollarian Robotic System, donc, et pour ce soir, on va découvrir les Legal Slaves. Shadow of your leader. Ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas passé dans Electric Shock, mais bon, c'est pour ça que vous avez oublié. C'était un extrait de l'excellentissime album de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Et bah d'ailleurs, c'était le morceau, The Sick, The Dying and The Dead. Juste avant Megadeth, Dusk of Delusion et leur tout dernier opus, Corollarian Robotic System, c'était Legal Slaves. Et félicitations à Christophe, fidèle auditeur, donc qui est l'un des premiers gagnants pour avoir qui rafle donc un petit cadeau donc pour les 17 ans d'Electric Shock. Donc si vous avez envie de faire comme lui, vous savez ce qu'il vous reste à faire, 02 38 43 48 00. Eh bien, on va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec le nouvel album de Bukowski qui est sorti là, le 23 septembre dernier, mais que j'ai reçu là, il y a quoi, 15 jours à tout casser. Alors Bukowski, ben, on pouvait un peu douter de la pérennité du groupe quand on sait que le groupe, c'est vraiment quasiment une famille et que le frère de Mathieu Dotel, le chanteur-guitariste Julien, le bassiste, a disparu en octobre l'année dernière. On aurait pu penser que ça a foutu un sacré coup au groupe. Malgré tout, le groupe avait quand même enregistré cet album qui est éponyme avec lui. Donc, c'est un album posthume. Et c'est tout à l'honneur du groupe, justement, de continuer. Alors, le groupe est quand même moins stoner qu'il a été à ses débuts. Et je ne sais pas si peut-être que c'était prémonitoire ou quoi que ce soit. Je trouve cet album plus sombre. Je dirais pas plus dépressif, mais quelque part, oui, peut-être plus introspectif aussi que les précédents. On découvre tout de suite avec cet album éponyme avec le morceau Crossroads. We'll be right back. Rain Morning et leur dernier album Flowers and Feathers, c'était Forget I'm Alone. Juste avant Rain Morning, la première nouveauté de la semaine, l'album éponyme de Bukowski, et c'était le morceau Crossroads. Faisons maintenant un petit voyage dans le temps, retrouvons-nous en 1980. Et pour ça, on va retrouver le coffret de Sled, All the World is a Stage, qui comprend donc les deux albums live mythiques, le E-Live sorti en 1972, ainsi que le One Stage sorti en 1982, et trois lives inédits. On s'était fait des extraits déjà du concert de Reading de 80, un concert au New Victoria 75, et là on va donc faire un tour au Hucknall Miners Welfare Club en cette année 1980, où on va retrouver donc la légende du glam britannique, reprenant par exemple certains de ses classiques tels que ce When I'm Dancing, I Ain't Fighting Rock and Roll. You can join in on this one. This one's called When I'm Dancing or I Ain't Fighting. Yeah. Right. We'll do one now. We'll do one now from an oldie but goodie now, this one. From the New Slade Smashes album that's out at the moment. In your shops now, folks. This is called Goodbye to Jane. Qu'est-ce que je vous disais? Pure rock'n'roll, Goodbye T.J. et When I'm Dancing, I Ain't Fighting. Donc deux extraits du live at the Hucknall Miners Welfare Club qui figure dans le coffret All the World is a Stage de Slade pour tous les nostalgiques de ce glam rock britannique. Un beau cadeau pour Noël. Et un grand merci à José aussi, fidèle auditeur, donc qui lui aussi vient de rafler un cadeau à l'instant. Donc je vous rappelle 02 38 43 48 00 si vous avez envie de faire comme lui. Continuons rock'n'roll avec quelque chose que je vous ai présenté la semaine dernière, enfin mélange de rock, de punk, de metal, de grunge et tout, avec des nanas qui nous viennent de Lyon qui s'appellent The Foxy Ladies, vraiment du bon rock'n'roll bien sale comme on l'aime, avec un extrait de l'album Not Sorry, leur troisième, Conquest of the Sun, ça va être le morceau de ce soir. You're and we will live forever. Once upon a time, we were as one. Rock'n'roll toujours avec le troisième album de Octane, Back in the Game, et c'était le morceau Midnight Riders. Et si vous avez acheté Rock Hard ce mois-ci, eh bien Octane figure dans les découvertes, dans les nouveautés à découvrir, comme quoi Electric Shock était une fois de plus à la pointe. Juste avant Octane, c'était The Foxy Ladies, groupe de Lyon, que je vous ai présenté la semaine dernière, et leur troisième album Not Sorry, et on a eu droit au morceau Conquest of the Sun. Et bien la suite, c'est la deuxième nouveauté de la soirée. C'est un groupe qui s'appelle Nothing But Echoes, qui est un groupe de metal moderne qui vient de sortir donc son premier album qui s'intitule The Sixth Extinction. On va découvrir ça tout de suite avec le morceau Illusion of Control. Nothing But Echoes, Illusion of Control, extrait donc de The Six Extinction. Voilà, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et il est 20h passé de 3 minutes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et on attaque la deuxième heure donc de l'émission. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, juste au moment de prendre l'antenne, j'ai la chance d'avoir à l'autre bout du téléphone le groupe The Toast dans sa quasi intégralité. Et ben, on va tailler le bout de gras avec eux en espérant que je ne fasse pas de conneries et que la technique est suive. Allô? Oui. Allô? Allô? Ah, bah, impeccable, super, ça marche. Bonjour, le groupe The Toes. Bonjour. Bonjour. C'est comme formidable la technique, tout le monde est isolé, tout le monde est chacun chez soi et j'arrive à voir tout le monde quasiment au téléphone. C'est ça. Alors, première question basique. Qui veut s'en charger d'ailleurs? Qui peut nous raconter l'histoire du groupe? Vas-y Ben. Hein, je voilà. l'histoire du groupe, on a commencé avec trois garçons à gratouiller dans des garages à peu près fin 2010. Puis on a voulu, gros fan de Paramore et consorts, on a voulu absolument avoir une voix féminine. Et donc après de longues recherches, on a pu rencontrer Elodie. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que le groupe a commencé à exister. Donc en avril 2011, voilà. Et puis bah après donc premier EP le sorti l'année d'après, cinq ans plus tard, le premier album et donc cette année le deuxième album qui est sorti donc là en mois de juillet. Petite question aussi, que signifient les initiales Toes? Parce que apparemment je crois que c'est plutôt un système de guidage quoi. Oui, c'est marrant, il y a des choses, c'est des mesures de mouvement de terrain, je crois, ou trucs comme ça, je sais plus dans quel pays, mais non, nous c'est juste en référence à Don Quichotte, voyage au travers du pays des moulins. Avant évidemment. Donc voilà, c'est plus en référence à Don Quichotte, c'est un acronyme pour une phrase anglaise qui veut dire ça. Et j'ai lu aussi sur votre bio que vous avez fait une tournée en Russie, c'était en quelle année? En 2018. Ouais, en août 2018. Ouais. Trois semaines après le sacre de titre de championne du monde de l'équipe de France, on arrive en Russie. Et vous avez été bien accueillis? Très très bien. Très très bien. Oui. Beaucoup de vodka et du caviar, non c'est ça? Ah, caviar non, vodka, je plaide coupable, enfin on plaide coupable. Jamais de champagne, on nous a dit never. Ah oui. Champagne, ouais. Jamais de champagne là-bas. Non, parce que si vous avez déjà goûté ou ce qu'on appelle le champagne russe, je vous le conseille pas. Hein. Oui, ben, c'est ce qu'on nous avait dit sur place, oui. Ça fait très mal à la tête et à l'estomac. Croyez-en à l'expérience d'un vieux routard. Alors, dès le deuxième jour, on nous avait dit surtout ne prenez pas, et donc ben on a respecté à la lettre la recommandation. Que du local, ouais. Ouais. Et votre nouvel album, quand est-ce que où est-ce que vous l'avez enregistré? Alors on l'a enregistré à la Roche-sur-Yon, à côté de la Roche-sur-Yon, à Belvigny exactement, au Nomads Audio, le studio de Fabien Guillotot. On a passé deux petites semaines là-bas, des vacances assez assez éprouvantes, et enfin ça demandait du travail et de la concentration, hein, dirons-nous. Et donc il y a Victor, donc on a quand même eu des gros changements de line-up, et donc il y a que donc Hello, Victor et moi-même qui sommes passés par cette étape-là, les autres musiciens étant en partie et remplacés donc par Sacha ici présent et Charlet à la basse qui n'a pas pu se libérer pour ce soir. D'accord. C'est le Covid qui a fait ce changement de line-up dans le groupe? Non, le Covid a fait qu'on a mis 5 ans à sortir l'album, ça par contre oui, mais non, c'était des questions de choix personnel. Dire, de voilà, choix personnel, choix de vie qui n'était pas raccord avec la promotion d'un album et tout ce que ça entraîne d'un point de vue travail en studio de répétition et les concerts et compagnie, voilà, c'était pas possible, donc ils ont fait le choix de partir et donc on a pu voir venir donc Charlet, enfin Victor qui était à la basse d'abord et donc qui est passé, qui a eu, comme il dit lui-même, qui a eu une promotion et qui est passé à la guitare. Et donc Charlet qui est arrivé à la basse et donc Sacha tout dernier qui est arrivé fin août dans le groupe. À la batterie. Ouais. À la batterie, oui, du coup. Et de quoi parlent les paroles de l'album? Alors, Il y a des chansons qui sont un côté plus personnel de ma vie, comme Maze ou Roller Coaster. Ou Maze, c'est quand t'es... Enfin, voilà, j'ai eu à faire ce choix-là quand j'étais petite. C'est un choix qui pouvait changer du coup le cours de ma vie et voilà, et des fois qu'on nous inflige en fait à porter justement des choix comme ça alors que qu'on n'a pas conscience en fait des conséquences, voilà, j'avais besoin je pense de l'exprimer. The Roller Coaster, c'est pareil, c'est ma vie n'a jamais été droite, voilà, c'est un peu les montagnes russes et je pense que en fait pas mal de gens peuvent s'y retrouver dans mes paroles. Il y a une chanson Main Game, donc là c'est par rapport à justement la société, que tous ceux qui ne se sentent pas en fait en phase et qui se retrouvent à un moment donné piégés en fait qui trouvent des issues, voilà. Et il y a aussi par exemple Struggle qui est sur la maltraitance humaine et animale. Donc là, c'est pareil, on a voulu aussi appuyer un peu sur ces choses-là. Donc ça parle de plein de choses différentes, avec des messages assez forts quand même, pour certaines chansons, d'autres un peu plus, on va dire, un peu plus, comment dire, un peu plus joyeuses, etc. No matter, c'est peu importe qui tu es, ce que tu fais, tant que tu es heureux, continue, fonce. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, les paroles parlent un peu de plein de choses avec des messages assez forts quand même. Là, maintenant que l'album est sorti, est-ce que vous avez prévu des concerts? Enfin, je sais qu'à Corentin, tu nous disais que tu avais parlé du festival Rise and Fall près de chez vous, là, à Niort, là. Ouais. Mais vous avez d'autres concerts de prévus là prochainement? Ben on est en phase en fait de rechercher des dates, donc pour l'instant c'est en cours de voilà, on peut rien confirmer etc à ce moment-là, mais voilà, on est en plein dedans. Voilà. Et justement, Élodie, tu as créé là ta propre boîte de promotion. Est-ce que c'est pour la raison, c'est The Toast, c'est ton groupe qui t'a dit et si je me promotionnais moi-même quelque part, non? Qui t'a donné envie de créer ta boîte, non? Ce qui m'a donné envie, c'est simplement que ça faisait près de 10 ans que je faisais ça dans une boîte indépendante. Et que quand je suis partie du coup de cette boîte-là, ça me manquait en fait, ce côté relationnel, tout ça. Et je pense que ça, j'avais ancré en moi. Et en plus, oui, on sortait le deuxième album, donc de toute façon, il fallait que quelqu'un s'y colle. Et voilà, quoi, je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais m'y coller. Donc tout s'emboîtait, voilà, entre le fait que ça me manquait et du coup, la sortie de l'album, donc voilà. Aria Promotion est née le 1er avril voilà, de cette année, donc voilà. D'accord, oui, parce que j'ai pour les auditeurs, Élodie et moi avons travaillé longtemps ensemble et après, plus de nouvelles pendant un petit moment, et puis c'est cet été quand j'ai eu la surprise, quand j'ai reçu d'abord le CD de Dusk of Delusion, en regardant sur la bio que j'avais vu ton nom, j'ai dit, ah bah super, elle est revenue aux affaires, voilà. C'est ça. C'est ça. Et justement, tiens, parle-nous un petit peu de Aria Promotion. En quoi ça consiste? Par exemple, un jeune groupe vient de te voir en te disant, bah voilà, on vient d'enregistrer un CD, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple? Tout dépend peut-être du budget, tout dépend des attentes. Ouais, c'est ça. En fait, je vois avec eux déjà ce qu'ils veulent faire, si c'est quand est-ce que la sortie, ils avaient pensé à la sortir, et de voir avec eux toute une timeline, c'est-à-dire des dates clés. Quand sortir le premier titre, le deuxième, etc., l'album, voir tout ça avec eux, voir aussi s'ils avaient prévu des clips, et en fait, moi, après, une fois qu'on a tout déterminé, tout ça, mon but, simplement, c'est d'essayer de faire connaître le groupe auprès des médias, pour constituer un dossier de presse, et permettre, au niveau du booking, justement, à aider pour pouvoir les faire jouer, en fait, en France, ou peut-être après à l'étranger aussi, parce que c'est important en fait. Ça permet de montrer aux salles que tel média parle de nous et qu'il y a en fait un public et qu'il y a possibilité du coup de faire ramener aussi des gens. Donc c'est ça que les salles en fait aujourd'hui ils disent, ah celui-là je vais le programmer parce qu'il y a tout ça qui suivent, etc. Et que c'est vrai qu'un groupe qui n'a pas aussi la fanbase, c'est important, et un groupe qui n'a pas de fanbase, qui n'a pas on va dire de pas renommé, mais qui n'a jamais été soutenu par les médias, etc. Et c'est compliqué de pouvoir jouer dans des salles de concert. Donc voilà, c'est ça un peu mon rôle, accompagner. Donc, chers auditeurs, si certains d'entre vous ont un groupe, etc., et recherchent justement à se faire connaître davantage, eh ben, vous pouvez prendre contact avec Elodie, surtout, n'hésitez pas. Et je vous donnerai les coordonnées en antenne si vous voulez. Mais tiens, il y a un site internet qu'on peut consulter, par exemple? Oui, un site internet, aria-du-milieu-promotion-singulier.com. Et puis dessus, il y a la page contact, donc faut pas hésiter. Et même sur Facebook, Instagram, voilà. On peut aller voir un peu ce qu'il y a en ce moment. Et puis, m'écrire, me contacter par les réseaux ou le site. Je réponds. Donc voilà, si vous avez retenu. Puis sinon, surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Comme je vous disais, je vous donnerai les coordonnées hors antenne. On va bientôt arriver à la fin de l'entretien. J'ai une question toute con. C'est quelle est la question, par exemple, qu'on vous a jamais posée et que vous souhaiteriez qu'on vous pose à tout le groupe? Ouf. C'est con, hein, comme question. Bonne question. Ah, putain, c'est une trop bonne question. Là, ça demande réflexion, du coup. Avec qui on aimerait jouer, enfin, je sais pas, avec qui on rêverait jouer, de partager l'affiche. C'est vrai, ça, on nous posait la question. Mais je pense que chacun, on aurait nos groupes préférés. Oui, on a tellement des influences toutes diverses et variées que ça donnerait une affiche particulière. Ce serait un gros festival, quoi, en gros. Ouais, oui, un gros festival, mais avec plein de styles différents, du coup. Une question basique aussi. Comment décririez-vous le groupe The Toes à quelqu'un qui ne connaît pas, si vous voulez le convaincre d'écouter? C'est du rock énervé, mené par une voix féminine. Voilà. Je sais pas après, qu'est-ce que tu rajouterais, Fabienne? Que c'est un... Bon, on va tous rajouter un truc comme ça, au moins. Ouais. ça sera le plus complet. Ouais. Moi, je dirais que c'est un mélange de styles où ceux qui aiment le rock pourront s'y retrouver, comme ceux qui aiment le métal peuvent s'y retrouver. Donc ça ratisse large, on va dire, musicalement parlant. Donc ça peut plaire à un peu tout type de public. Victor? Mais du coup, c'est exactement ça que j'allais dire. Alors moi, je vais me contenter de rajouter aussi que c'est le meilleur groupe du monde. Voilà, on n'a jamais vu ça arriver. Sacha? Ouais, en vrai, c'est un album qui regroupe pas mal du rock, mais aussi du métal, et quand même avec les morceaux, on parcourt pas mal de styles avec des paroles qui peuvent toucher, et puis c'est vraiment de la bonne musique, quoi. Et donc la dernière question, est-ce que vous avez quelques mots à dire pour les auditeurs d'Electric Shock? On espère que l'écoute de cet album vous plaira. On espère pouvoir vous voir aussi prochainement sur scène, hein, parce que c'est vraiment notre gros chantier du moment. Donc n'hésitez pas à aller écouter sur Spotify, Deezer et compagnie l'album. N'hésitez pas à nous faire votre retour aussi, hein, via nos réseaux sociaux. Hein. C'est toujours plaisant d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, tout retour est bon à prendre. Et puis surtout, on espère vous voir bientôt sur scène. Eh bien, merci. Et maintenant, justement, on va découvrir votre nouvel album. Alors, quel morceau vous auriez envie de faire découvrir? Sacha, très bonheur. Hein. Non, pas Sacha. Non, je dirais Mind Game, moi, pour faire découvrir l'album. Mind Game. Donc tout le monde est d'accord pour Mind Game. Donc maintenant, on va découvrir la musique de The Toes, enfin du nouvel album, parce que le précédent Beyond the Path, on l'avait diffusé dans Electric Shock, mais bon, ça fait longtemps, donc je peux comprendre que les auditeurs aient oublié. Donc on va découvrir ce nouvel album, From Ashes. Merci tout le monde, merci à vous. Merci à toi. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et ben maintenant, donc découvrons The Toes avec Mind Game, donc extrait de l'album From Ashes. Clearing my mind, it will be better. The Toes, donc, avec Mind Game, donc extrait donc de l'album From Ashes sorti cet été. Ben, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus. Et puis, en tout cas, vous inquiétez pas, on en rediffusera aussi dans les semaines qui vont suivre sans problème. Revenons maintenant, tiens, au live de Anthrax, sorti cet été pour leurs 40 ans de carrière, un concert enregistré malheureusement sans public l'année dernière, mais par contre, le groupe a toujours la patate, comme on peut le constater sur ce CD Blu-ray XL, sorti où il y a vraiment de tout. Ce soir, on va se faire, bah tiens, la reprise de Joe Jackson, Got the Time, qui a été toujours un bon grand moment en live. ainsi que d'Anthrax, mix réussi entre rap et métal, Bring the Noise. Et juste avant God the Time, donc tous deux extraits du CD Blu-ray XL sorti l'été dernier. Et il est 20h32 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et qu'il vous reste un peu plus de 25 minutes si vous avez envie de rafler un petit cadeau. Et de souhaiter donc un joyeux anniversaire à Electric Shock qui célèbre donc ses 17 ans aujourd'hui, jour pour jour. Donc changeons d'univers complètement avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. On va revenir donc à l'album de Cécile Del Pollo, Tuola, avec le premier morceau qui s'appelle, enfin pas le premier morceau, le premier morceau qui était disponible sur le net, donc qui a fait l'objet d'un clip, Stars. Alors univers onirique à la Tim Burton, si vous aimez ce genre de choses, vous allez être gâtés. Cécile Del Pollo avec Stars, extrait de l'album Tuola. C'est vrai que pour écouter ce morceau, si vous avez le clip sous les yeux, c'est encore plus onirique, c'est vrai. Eh bien, on va se faire là encore une nouveauté. Je pense que ça va être la dernière de la soirée. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore 20 minutes si vous voulez rafler un petit cadeau. 02 38 43 48 00 si vous avez oublié le numéro de téléphone de la radio. Et on va découvrir le groupe Mescla. Alors Mescla est un groupe français qui vient d'Auxerre, qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Et qui chante en espagnol et qui mélange le death metal avec le flamenco. Oui, je sais, ça va vous rappeler un groupe bien de chez nous. Impureza, pour ne pas les citer. Et donc, Mescla viennent de sortir donc un album, leur cinquième album, s'appelle Vidas Suspendidas, je m'excuse pour l'accent, qui est sorti le 5 novembre dernier. Il a été pré-produit par Frédéric Leclerc, ex-Dragon Force Creator, et la Oblast, entre autres. Et donc, on va découvrir cet album maintenant, avec le morceau Respirar. S'il veut bien partir, parce que je m'étais trompé de piste, ça c'est les inconvénients du direct. Voilà. Yeah. C'était Passage d'écrasage des oreilles, à l'instant Slipknot, avec un extrait de l'excellentissime The End So Far, leur dernier opus, c'était Hive Mind. Juste avant la dernière nouveauté de la semaine, Mescla, avec le morceau Respira, extrait donc de l'album Vidas Suspendidas. On va calmer le jeu et on va aller tout doucement vers la fin d'émission. Donc, je vous rappelle que si vous avez envie de rafler un petit cadeau, il vous reste 10 minutes tout rond. Et je vous rappelle le numéro de la radio au cas où vous l'auriez oublié, 02 38 43 48 00. On va revenir au live de Blackstone Cherry, live from the Royal Albert Hall, Hear Hall. Et on va se faire le morceau Peace is Free, tout en douceur et toujours plein d'émotions. Time, right? You think about something when you hear that song and you're just immediately right back there, right? So my biggest hope for tonight is that when you all leave the Royal Albert Hall, every time you hear Peace is Free, you're brought right back here to that first time Blackstone Cherry ever stepped foot in the Royal Albert Hall, and you remember how amazing that entire night felt, all right? I promise you this, if you dig down and you channel all that stuff you've been through, all that heartache, all that frustration, all that constant fear that we didn't know what was next, and I also want you to remember how fast rock and roll got taken away from all of us, right? If there's one thing we've learned, I think it's that you can't take chances anymore. You gotta live right in that fucking moment, you know what I mean? You gotta live for right now, man. And I want you to do this. I want you to sing with everything in you. You dig down deep, you sing this song as loud as you can, and we're gonna make this whole place shake like it ain't ever shook before, baby, alright? Lonnie, do you wish tonight? When I count this in, I've already got chills. Oh, it's gonna be special, baby, you ready? The Peace is Free, plein d'émotions, a été extrait de Live from the Royal Albert Hall, Year Hall de Blackstone Cherry. Et il nous reste, allez, 2-3 minutes avant de terminer, on va se faire un dernier morceau. On va se faire un petit peu de hardcore, death metal avec Get the Shot et le morceau Blind the Peace. Donc, il vous reste encore, allez, 3 minutes si vous voulez rafler un dernier petit cadeau. 02 38 43 48 00, Blind the Peace. Blind to Peace de Get the Shot. Voilà, c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Et ouais, ça y est, c'est terminé. C'était donc les 17 ans d'Electric Shock ce soir. Et oui, ben, j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour d'autres aventures métalliques. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal. Et Radio Arc-en-Ciel, salut à tous!